Sainte Bible selon saint Jérôme, livre de l'Exode, chapitre 12. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans la terre d'Égypte: Ce mois sera pour vous le commencement des mois. Il sera le premier dans les mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dites-leur au dixième jour de ce mois que chacun prenne un agneau par chacune de ses familles et de ses maisons. Mais si le nombre est trop petit pour qu'il puisse suffire à manger l'agneau, il prendra son voisin qui est proche de sa maison, selon le nombre des âmes qui peuvent suffire à manger l'agneau. Or l'agneau sera sans tache, mâle ayant un an. Conformément à ce rite, vous prendrez aussi un chevreau, et vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute la multitude des enfants d'Israël l'immolera vers le soir. Ils prendront de son sang, et ils en mettront sur les deux poteaux et sur les linteaux des maisons, en lesquels ils les mangeront. Et ils mangeront, cette nuit-là, les chairs rôties au feu, avec des pains azymes et avec des laitues sauvages. Vous n'en mangerez rien cru ni cuit dans l'eau, mais seulement rôti au feu. Vous en mangerez la tête avec les pieds et les intestins. Il n'en demeurera rien jusqu'au matin. S'il y a quelque reste, vous le brûlerez au feu. Or, c'est ainsi que vous le mangerez. Vous ceindrez vos reins, et vous aurez votre chaussure à vos pieds tenant un bâton en vos mains. Et vous mangerez à la hâte, car c'est la Pâque, c'est-à-dire le passage du Seigneur. Et je passerai par la terre d'Égypte cette nuit-là, et je frapperai tout premier-né dans la terre d'Égypte, depuis l'homme jusqu'au bétail. Et sur tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai des jugements, moi le Seigneur. Or le sang sera un signe en votre faveur dans les maisons où vous serez, car je verrai le sang et je passerai au-delà de vous. Et la plaie de destruction ne vous atteindra pas lorsque je frapperai la terre d'Égypte. Ce jour sera pour vous un monument, et vous le célébrerez dans vos générations, comme consacré au Seigneur par un culte éternel. Pendant 7 jours, vous mangerez des azymes. Dès le premier jour, il n'y aura point de levain dans vos maisons. Quiconque mangera du pain levé, depuis le premier jour jusqu'au 7e jour, son âme périra du milieu d'Israël. Le premier jour sera saint et solennel, et le 7e jour sera vénérable par la même solennité. Vous ne ferez aucun travail en ces jours-là, excepté ce qui regarde la nourriture. Vous observerez donc la fête des azymes, car c'est en ce même jour que je conduirai votre armée hors de la terre d'Égypte. Ainsi vous garderez ce jour en vos générations, par un rite perpétuel. Au premier mois, le 14e jour du mois, vers le soir, vous mangerez des azymes jusqu'au 21e jour du même mois, vers le soir. 7 jours durant, on ne trouvera point de levain dans vos maisons. Celui qui mangera du pain levé, son âme périra du milieu de l'assemblée d'Israël, qu'il soit étranger ou naturel du pays. Vous ne mangerez rien de fermenté. Dans toutes vos habitations, vous mangerez des azymes. Or Moïse appela tous les anciens des enfants d'Israël et leur dit: Allez et prenez un animal par chacune de vos familles et immolez la Pâque. Trempez un bouquet d'hysope dans le sang qui est sur le seuil de la porte, et vous en aspergerez le linteau et les deux poteaux, et que nul de vous ne sorte hors de la porte de sa maison jusqu'au matin. Car le Seigneur passera frappant les Égyptiens. Et lorsqu'il verra le sang sur le linteau et sur les poteaux, il passera au-delà de la porte de la maison, et il ne permettra pas que le destructeur entre dans vos maisons et vous frappe. Garde cette parole comme une loi éternelle pour toi et pour tes enfants. Et lorsque vous serez entrés dans le pays que le Seigneur doit vous donner comme il a promis, vous observerez ces cérémonies. Et quand vos enfants vous demanderont quel est ce culte religieux, vous leur direz: C'est la victime du passage du Seigneur, quand il passa par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, frappant les Égyptiens et préservant nos maisons. Alors le peuple profondément incliné adora. Et étant sortis, les enfants d'Israël firent comme le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Or il arriva au milieu de la nuit que le Seigneur frappa tous les premiers-nés dans la terre d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né de la captive qui était en prison, et tout premier-né des bêtes. Et Pharaon se leva la nuit, et tous ses serviteurs et tout son peuple. Et il s'éleva un grand cri en Égypte, car il n'était pas de maison dans laquelle ne gésît un mort. Pharaon, ayant donc appelé Moïse et Aaron pendant la nuit, leur dit « Levez-vous, et sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez sacrifier au Seigneur, comme vous dites. Prenez aussi vos brebis et votre gros bétail, comme vous aviez demandé, et vous en allant, bénissez-moi. » Et les Égyptiens pressaient le peuple de sortir de leur pays promptement, disant « Nous mourrons tous ». Le peuple prit donc de la farine pétrie avant qu'elle fût levée, et la liant dans les manteaux, il la mit sur ses épaules. Alors les enfants d'Israël firent comme avait ordonné Moïse, et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent et d'or et beaucoup de vêtements. Or le Seigneur fit trouver grâce au peuple devant les Égyptiens pour qu'ils les leur prêtassent, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Et les enfants d'Israël partirent de Ramessès pour Sokoth, environ 600 000 hommes de pied, sans les petits-enfants. Mais une foule innombrable de gens de toute espèce monta avec eux, ainsi que des brebis, du gros bétail et des animaux de divers genres en très grand nombre. Ils firent cuire aussi la farine qu'ils avaient apportée d'Égypte, déjà toute pétrie, et firent des pains azimes cuits sous la cendre, car ils ne pouvaient fermenter, les Égyptiens les forçant de partir et ne leur permettant de prendre aucun délai. Et ils n'avaient pas eu la facilité d'apprêter aucun aliment. Or l'habitation des enfants d'Israël, pendant qu'ils demeurèrent en Égypte, fut de 430 ans, lesquels accomplis, toute l'armée du Seigneur sortit le même jour de la terre d'Égypte. Cette nuit doit être observée en l'honneur du Seigneur, quand il les retira de la terre d'Égypte, et tous les enfants d'Israël doivent l'observer dans leur génération. Et le Seigneur dit à Moïse et à Aaron, « Voici le rite de la Pâque. Aucun étranger n'en mangera. Mais tout esclave acheté sera circoncis et alors il en mangera. L'étranger et le mercenaire n'en mangeront point. C'est dans une même maison qu'on la mangera. Et vous ne porterez point de sa chair au dehors, et vous n'en romprez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël la fera. Que si quelqu'un des étrangers veut entrer dans votre colonie et faire la Pâque du Seigneur, tous ses enfants mâles seront circoncis auparavant. Et alors il la célébrera selon le rite. Et il sera comme un naturel du pays. Mais si quelqu'un n'a pas été circoncis, il n'en mangera pas. La même loi sera pour l'indigène et pour le colon qui séjourne chez vous. » Et tous les enfants d'Israël firent comme avait ordonné le Seigneur à Moïse et à Aaron. Et le même jour, le Seigneur retira les enfants d'Israël de la terre d'Égypte selon leur bande. Enregistrement de la Sainte Bible selon la Vulgate dans la traduction de l'abbé Glaire pour le site jesusmarie.com afin d'en assurer une diffusion gratuite. Fichier placé sous licence Creative Commons le 30 novembre 2010. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.